jusqu'à l'exécution. Messieurs, jugez vous-même, est-ce une vie? J'en ai assez de toutes ces fadaises. Dès le berceau, j'entendis cette scie. Il n'est trésor que de vivre à son aise. On nous vante la vie des grands esprits qui ne vivent que de livres et d'eau fraîche dans une hutte infestée de souris. Laissez-moi donc tranquille avec vos prêches. Mais ne qui veut cette vie monotone, j'aimerais mieux encore être tanné. Tous les oiseaux d'ici à Babylone n'y tiendraient pas une seule journée. La liberté, bon, c'est de la foutaise. Il n'est trésor que de vivre à son aise. Les conquérants pleins de témérité qui sont toujours prêts à risquer leur peau, qui crient sur tous les toits leur vérité pour épater les bons bourgeois provinciaux. Il faut les voir lorsque la nuit descend aller au lit avec leurs femmes frigides, guettant les ovations, l'air important, fixant sur leurs 5000 un regard vide. La gloriole, c'est de la foutaise. Il n'est trésor que de vivre à son aise. Pour moi, messieurs, je me représentais solitaire et puissant dans mon orgueil. Et quand j'ai découvert ce que c'était, je me suis dit, ça mon vieux, faisant ton deuil. Pauvre, on n'a plus d'ennui que de sagesse. Fier bien moins de gloire que de labeur. Tu as été pauvre et plein de hardiesse. Remballe donc tes idées de grandeur. Car le bonheur n'est pas dans ses fadaises. Il n'est trésor que de vivre à son aise. Commences-tu me regarder en face après tout ce qui s'est passé entre nous? Lucie, tu n'as donc pas de cœur? C'est tout ce que tu trouves à dire à ton mari dans la situation où il se trouve? Mon mari? Monstre! Tu crois donc que je ne suis pas au courant de ton affaire avec Mademoiselle Pitchoum? Ou je t'arracherai les yeux? Mais sérieusement, Lucie, tu n'es tout de même pas assez bête pour être jalouse de Pauline, hein? Brute épaisse! Tu ne l'as peut-être pas épousée. Épousée? Oh, elle est bonne. Bon, je fréquente cette maison, je cause avec elle, je lui donne par-ci par-là un petit baiser de temps en temps. Et voilà cette dame qui va claironner partout que nous sommes mariés. Chère Lucie, je suis prêt à te donner toutes les assurances que tu désires si tu crois vraiment que nous sommes mariés. Hein? Bon, qu'est-ce qu'un gentleman peut dire de plus? Il ne peut rien dire de plus. Oh, Marc, tout ce que je veux, c'est devenir une femme respectable. Eh bien, si tu crois le devenir en m'épousant, oui. Bon, à ton aise, qu'est-ce qu'un gentleman peut faire de plus, hein? Il ne peut rien faire de plus. Oh, mais mon mari! Oh, Marc, te voilà! Pourquoi détournes-tu les yeux devant moi? Tu n'as pas besoin d'avoir honte. Je suis ta femme. Le salaud! Marc est en prison. Pourquoi n'as-tu pas fui de l'autre côté des marais? Tu m'avais promis que tu n'irais pas chez les femmes. Je savais ce qu'elles te feraient, mais je n'ai rien dit parce que je croyais en ta parole. Mais, Marc, je resterai à tes côtés jusqu'à la mort. Tiens! Ne dis rien! Ne proteste pas! Oh, Marc, pense à ce que souffre ta pauvre Polly en te voyant dans cette situation. Oh, la salope! Qu'est-ce que ça signifie, Marc? Pitié donc juste de cette personne? Peux-tu lui dire qui je suis? Dis-lui, s'il te plaît, que je suis ta femme. Quoi? Ne suis-je pas ta femme? Regarde-moi un peu. Est-ce que je ne suis pas ta femme, Mac? Hypocrite crapule! Tu as donc deux femmes, mon dieu! Mac, est-ce que je ne suis pas ta femme? N'ai-je pas tout fait pour toi? Avant de t'épouser, je n'avais pas connu l'amour des seigneurs. Et la bande, est-ce que tu ne me l'as pas confiée? Je fais tout ce qui était convenu. Je dois même te dire, de la part de Jacques... Oh, ça va mieux! Si vous pouviez fermer votre clapet un petit instant, ça s'éclaircirait. Non! Je ne veux pas fermer mon clapet! Je n'en supporterai pas davantage. Un être de chair et de sang ne peut pas supporter ça. Évidemment, ma chère, la femme légitime. La femme légitime. La femme légitime a certains privilèges. Malheureusement pour vous, ma chère, il faut respecter les apparences. chouette et des gonzées là, Marc. Non, mais vous avez vu cette boulette des plumes?